AXA, premier assureur des pros. Mon fils, il est dans les chiffres. Il les examine, il fait des analyses, il a son cabinet, comme les médecins. Soutenir son fils, pour Carole, rien de plus normal. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais, mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Plus vite, plus haut, plus fort, histoire de la performance sportive. Qu'est-ce que le sport ? C'est une activité, sans aucun doute, qui nécessite un entraînement et qui se pratique comme un jeu, pour le plaisir, mais aussi sous forme de compétition. Pour le plaisir également, dès lors se pose la question de la performance. Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. Une citation souvent répétée de Pierre de Coubertin. Depuis quand ce besoin d'aller toujours plus vite, plus loin, plus fort? Parce que battre ses propres records, c'est un peu aussi gagner sur soi-même. Oui, on perd une partie de nous. Allez, tout le monde est prêt, c'est parti, séance de sport. Mensana in corpore sano. Eh oui, un esprit sain dans un corps sain. C'est un extrait de 2h moins le quart avant Jésus-Christ, le film de Jean Yann, du sport dans l'Antiquité. Mensana in corpore sano. Bonjour Isabelle Queval. Bonjour. C'est peut-être la question de base. Qu'est-ce que le sport ? Là, ici, c'est un esprit sain, un corps sain, le corps sain. Mais est-ce que c'est vraiment le sport d'avoir un corps sain ? Alors le sport, c'est une multiplicité de pratiques en réalité, c'est un terme qui est surdéterminé, puisqu'on peut déjà distinguer de manière tout à fait, je dirais, primordiale, le sport de haut niveau, celui qui est médiatisé, qu'on voit à la télévision et qui sert en quelque sorte de modèle et puis de représentation de l'athlète. Et puis le sport de monsieur et madame tout le monde, alors auquel on peut attribuer déjà diverses finalités. Hein. Il y a le sport d'entretien, il y a le dépassement de soi ordinaire, voilà, il y a le sport scolaire, il y a beaucoup de manières de pratiquer l'exercice physique qui ne sont pas nécessairement des sports, hein, auxquels finalement on réserve cette idée aussi de compétition, de mesure de la performance, de recherche de la performance. Donc il y a de multiples manières de pratiquer le sport et on est obligé de constater aujourd'hui que certaines de ces manières ne conduisent pas nécessairement ou en tout cas toujours à cet idéal d'un esprit sain dans un corps sain. Et oui, parce que c'est ça le paradoxe sans nom de cette histoire du sport. Un esprit sain dans un corps sain, oui, mais la performance parfois abîme le corps. La performance parfois abîme le corps. Tout dépend évidemment sa nature, son intensité, comment elle est conçue. Mais il est vrai que le sport de haut niveau est une pratique extrême qui, en quelque sorte, extrémise tous les paramètres de la performance, c'est-à-dire les entraînements, la diététique, les techniques, la recherche sur les matériaux, les matériels qui progressent toujours considérablement, jusqu'aux limites qu'on connaît et qu'on appelle aussi les dérives, c'est-à-dire le dopage, la recherche de l'optimisation à tout prix, avec pour prix de cette recherche de performance et de cette recherche d'excellence, aussi les blessures, les pathologies chroniques, voilà, ce qu'on appelle de manière assez directe en sport la casse. Et voilà, et c'est là où ben, d'un seul coup le corps ne suit plus, l'esprit peut être toujours là, mais on est tout abîmé de partout parce que cette histoire de la performance sportive, eh bien, il faut la regarder dans le temps. Isabelle Queval, le sport tel que nous l'entendons aujourd'hui, vous le faites naître quand ? Alors, le sport moderne, tous les spécialistes, on va dire, de la question le font naître au XIXe siècle, hein, plutôt dans la première partie du XIXe siècle, avec ce moment un petit peu mythique, hein, où en Angleterre, Thomas Arnold prend les rênes du collège de rugby et voilà, entreprend de réformer l'éducation, on va dire, qui était prodiguée dans les collèges anglais, où on pouvait constater une sorte de désagrégation morale assez complète et où finalement il va faire du sport un outil à la fois d'éducation, certes, hein, de rénovation de cette éducation, de ce système éducatif, mais aussi un outil de formation des élites de l'époque avec cette émergence d'une classe bourgeoise appelée à finalement dominer la société, prendre le relais de l'aristocratie qui, elle aussi, pratique ses activités sportives. Et à partir de là, tout au long du XIXe siècle, eh bien, se développe ce sport scolaire qui se diffuse dans la société. Alors là aussi, avec de multiples facettes, parce qu'en réalité, toutes les classes sociales ne pratiquent pas le même type d'activités. Il y a bien sûr des activités plus ou moins réservées aux classes favorisées et puis progressivement aux classes ouvrières. Mais néanmoins, voilà, c'est l'émergence de cette activité en parallèle avec une société du 19e qui est très axée aussi sur la recherche et la problématique de l'amélioration de l'humain, de l'homme au sens individuel et de l'espèce humaine au sens collectif, avec l'émergence des sciences humaines, avec l'industrialisation de la société, et appuyé sur ce qui avait précédé, c'est-à-dire dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, la prédominance de l'idée de perfectibilité qui avait été posée par Rousseau, et qui a été l'idée clé de la charnière entre le XVIIIe et le XIXe siècle. L'activité sportive existait auparavant. Il y avait des choses qui ressemblaient au sport. On en connaît plein, le jeu de paume, etc. Est-ce que l'idée de performance, de compétition, c'est intrinsèque à l'idée même de sport ? Alors, les spécialistes, encore une fois, du domaine n'appellent pas véritablement sport. Ce qui a précédé, ce sont surtout des jeux. Alors, qui ont eu leur succès considérable parfois, comme le jeu de paume. Toutes les classes sociales à une époque pratiquaient ce jeu de paume, y compris les rois, y compris les religieux. Il y a même des textes qui stipulent que voilà, il va falloir quand même un peu limiter cette pratique parce qu'elle envahit, les villes. Alors, ce sont essentiellement des jeux qui ont leur fonction sociale, mais où les classes sociales ne se mélangent pas. Véritablement, et qui n'ont pas pour objet cet objectif de performance, justement, et cet objectif de performance mesurable. La grande affaire du 19e siècle, c'est la mesure. Voilà. C'est la quantification. C'est l'émergence des statistiques pour finalement mettre en chiffres toutes les activités humaines, y compris les activités athlétiques, sportives. Et on mesure le corps humain aussi bien à l'usine qu'au gymnase ou qu'au stade. Voilà. C'est ça la caractéristique. C'est-à-dire cet aspect, bien sûr, fédératif qui apparaît de pratique en club, voilà, quelque chose qui est institué beaucoup plus que ça ne l'a été auparavant. Mais cette idée de mesurer la performance et d'organiser la compétition, c'est quand même très propre à l'émergence du sport moderne, que l'on peut distinguer également en cela de ce que l'on a pu connaître dans l'Antiquité avec l'émergence et la tradition des Jeux Olympiques, dans un contexte religieux quasi métaphysique et d'une grande violence qui n'est plus celui de la période moderne au 19e. Le côté religieux, par contre, demeure au 19e siècle quand Pierre de Coubertin, eh bien, ressuscite ces Jeux Olympiques. La première caractéristique essentielle de l'olympisme ancien, aussi bien que de l'olympisme moderne, c'est d'être une religion. en ciselant son corps par l'exercice, comme le fait un sculpteur d'une statue, l'athlète antique honorait les dieux. En faisant de même, l'athlète moderne exalte sa patrie, sa race, son drapeau. J'estime donc avoir eu raison de restaurer dès le principe, autour de l'olympisme rénové, un sentiment religieux transformé et agrandi par l'internationalisme et la démocratie qui distinguent les temps actuels, mais le même pourtant qui conduisait les jeunes Hellènes ambitieux du triomphe de leurs muscles au pied des autels de Zeus. Ah bah c'est joliment dit, c'est Pierre de Coubertin qui s'exprimait en 1935, il avait 72 ans. Dans cette réflexion que nous pouvons avoir sur l'histoire de la performance sportive, Isabelle Queval, le moment Jeux Olympiques est essentiel parce que vous l'avez bien dit, le sport doit se comprendre dans une société, celle de la fin du 19e siècle, hein, où il faut améliorer l'humain, où il faut mesurer tout mesurer, et notamment l'humain. Et puis, c'est le moment des nations. Il faut pouvoir comparer les nations entre elles. Et là, la performance prend tout son sens. Alors, tout à fait, les Jeux Olympiques sont un moment clé de l'internationalisation du sport. Alors, avec certaines limites, hein, parce que en 1904, par exemple, aux Jeux Olympiques de Saint-Louis, on partage encore les compétitions qui sont réservées aux Occidentaux, et puis les compétitions qui sont réservées, par exemple, voilà, aux Indiens, enfin tout ce qui est la population indigène. Donc c'est une internationalisation, une mondialisation et une démocratisation qui a quand même ses limites au départ. Mais il est évident que les Jeux Olympiques vont donner une visibilité international. Alors pas tout de suite, hein, le succès n'est pas garanti d'emblée. Coubertin lui-même va dépenser beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent et beaucoup de correspondance pour essayer de défendre sa cause et finalement de la faire valoir partout dans le monde. Néanmoins, à travers les Jeux Olympiques, il y a effectivement une compétition entre nations qui s'instaure également. Quelque chose qui est de l'ordre, alors comme le veut Coubertin, de la recherche de grandeur, hein, et lui-même associé aux Jeux Olympiques au départ effectivement un sentiment religieux mais aussi très fortement culturel, avec des activités qui n'étaient pas à proprement sportives dans le cadre des Jeux Olympiques, des danses, des compétitions de poésie, etc. Mais c'est vrai que cet aspect de compétition internationale est valorisé et porté tout au long du XXe siècle par les Jeux Olympiques. Et puis il y a l'idée du record. Longtemps, c'est vrai que le premier, on va dire, des sports, c'est l'hippisme, hein, ce sont les courses de chevaux. Et là, la notion de record, eh bien, elle se mesure éventuellement. Y a-t-il une histoire possible du record ? À quel moment naît cette idée qu'il faut battre des records ? Là, précisément, dans cette émergence du sport moderne, et c'est l'une des grandes différences avec ce qui s'est pratiqué dans l'Antiquité, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, on recherche finalement assez peu le record, on recherche la victoire et la gloire. La modernité, elle, cherche à inscrire dans les chiffres et dans l'histoire cette notion de performance à travers le record. Voilà. Et à partir de là, on suit une sorte d'évolutionnisme schématique tout au long du 19e et du 20e siècle à travers cette notion de record qui semble ne jamais cesser de s'améliorer finalement, même si certains prédisent toujours la fin des records. À partir du moment où le sport moderne est une activité par essence technique et technicienne qui cède donc de tous les moyens techniques et de tous les moyens au fond culturels et de l'apprentissage dont est capable l'être humain, eh bien les progrès continuent d'être là. Même si aujourd'hui, à notre époque, ces progrès se mesurent parfois en millièmes de seconde, ce qui peut paraître dérisoire, évidemment, au regard de l'histoire de l'humanité, mais qui, au regard de l'histoire du sport, fait avancer encore le record. Oui, parce que c'est ça qui est essentiel, hein, c'est de comprendre comment nous en sommes arrivés là, avec cette passion pour les sports, c'est une telle diversité, et puis pour cette idée de record. Parce que dès qu'il est question de jeux, et vous l'avez souligné au moment d'évoquer les Jeux Olympiques de l'Antiquité, ce qui compte en fait c'est la victoire. Et on sent que il y a une spécificité avec ce sport de la fin du 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui, c'est que la victoire ne suffit plus. Il faut rajouter quelque chose, c'est le dépassement de soi. C'est le toujours plus vite, plus loin, plus fort. Alors, ce dépassement de soi nous l'héritons directement de la notion de perfectibilité du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que, pour rappeler rapidement le contexte, on est passé d'un monde fini à un monde infini, hein, dans la représentation globale de l'univers, avec cette idée de sans limite qui apparaît comme une valeur cardinale. Et on pense à la fin du XVIIIe, effectivement, que l'être humain est capable de progresser sans limite. Et donc, le sport qui se développe au XIXe, eh bien, se nourrit de cette idée de progrès au fond et de progrès sans limite. Donc le dépassement de soi fait partie de manière ontologique du sport moderne de haut niveau, voilà, et de cette recherche de performance. La naissance du sport moderne correspond dans la société à la diffusion du capitalisme. Peut-on associer les deux, cette idée avec le capitalisme, où on sent que pour certains aventuriers des industries, c'est une forme de sport, de remporter des victoires. Est-ce qu'on peut réfléchir au sport dans cet univers-là, peut-être même au-delà du sport comme élément même de cette économie, une économie financiarisée? Alors, tout à fait, à divers titres. Comme un élément de cette économie, comme, on va dire, partie prenante de cette histoire occidentale, où le capitalisme, effectivement, devient dominant, et où une classe bourgeoise, finalement, s'accroche à cette idée de mérite et de méritocratie, va trouver dans le sport un moyen de justifier sa victoire, sa domination et ses résultats. Mais je dirais qu'il y a un lien peut-être plus masqué entre le sport et cet esprit du capitalisme, un peu au sens où Max Weber a établi le lien entre le capitalisme et l'éthique ou l'ascèse protestante. Max Weber ne parle pas du sport, bien sûr, mais néanmoins, la vie quotidienne du sportif en quête de performance et de réussite ressemble très fortement à cette ascèse quotidienne, à ce temps gagné sur soi-même, à ce dépassement de soi quotidien, à ce culte du résultat et à cette recherche du mérite. Quand on dit le temps, c'est de l'argent, tel que le retranscrit Max Weber, eh bien, on pourrait dire la même chose du sportif, c'est-à-dire ce temps minutieusement préparé, c'est de la performance. Plus vite, plus haut, plus fort. Histoire de la performance sportive avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture. Julien Beaufils, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en études germaniques à l'université Rennes 2. C'est vrai que cette histoire-là est une histoire, évidemment, qui se joue sur un temps plus ou moins long, mais on voit qu'à l'échelle de l'humanité, c'est pas grand-chose, en fait, le sport. Et surtout, c'est une histoire internationale. Oui, c'est-à-dire qu'on voit au début du XXe siècle, le sport vraiment conquérir au fur et à mesure toutes les nations du monde. C'est-à-dire qu'on commence en effet par... On commence en effet par les nations d'Europe occidentale, dans ce sport de compétition. Puis on va de plus en plus vers l'Est de l'Europe, c'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure le lien entre sport de compétition et capitalisme. Au départ, les autres formes de société, notamment le socialisme puis le communisme, rejettent ce sport de compétition comme quelque chose de bourgeois, comme quelque chose d'aliénant, et essayent de monter un contre-modèle. C'est le sport ouvrier, ce sont les internationales rouges sportives dans les années 20. Et finalement, ce contre-modèle sportif échoue face à ce sport international qui prend de plus en plus de place, conquiert également l'Union soviétique et après la décolonisation, l'ensemble de la planète. C'est intéressant de souligner ce paradoxe quand nous parlons sport et capitalisme, c'est que bien sûr, au XXe siècle, il y a d'autres modèles que le capitalisme. Et dès lors, le sport tel que nous le connaissons pose problème. Julien Beaufils, hein, vous avez réalisé votre thèse sur le quotidien d'une école rouge, la politisation protéiforme du sport en République démocratique allemande. Mais oui, comment on fait dans une société qui est communiste, qui est complètement en rejet des valeurs capitalistes pour, eh bien, assimiler ou laisser une place à un sport qui a quand même une petite teinte capitaliste? Oui, quand on regarde un peu la genèse de l'histoire du sport dans les pays de l'Est, donc tout d'abord en Union soviétique, puis dans les démocraties populaires du pacte de Varsovie, on voit ce travail autour de cette contradiction. C'est-à-dire qu'au départ, on veut mettre un sport pour tous, un sport où justement on rejette la performance, on rejette le record. Le but, c'est d'être en bonne santé. Le but, c'est d'être, de pratiquer le sport pour être un membre efficace de la société socialiste ou communiste. Et finalement, au fur et à mesure, cette notion de performance, de record, est intégrée dans le modèle sportif et sociétal dominant pour... Et désormais une preuve de la supériorité du modèle de société. Mais dans le cas allemand d'ailleurs, la politique n'a pas tout à faire dans cette histoire-là, dans la relation au corps, à la nature et à l'activité physique. C'est vrai qu'il y a un modèle allemand qui est antérieur d'ailleurs à la RDA, si on parle de l'Allemagne. Il y a une idée que l'activité physique, c'est une bonne chose et pas besoin de compétition. Oui, on a un modèle de société qui met en valeur le lien avec la nature, le lien avec le corps, donc la pratique sportive. D'ailleurs, dans la tradition de ce qu'on appelle le Turnbewegung en Allemagne, donc le mouvement gymnique qui naît au début du 19e siècle, on n'est pas dans un esprit de sport codifié avec des règles précises qui soient communes à tout le monde. On est dans la pratique sportive pour former les corps, pour former les esprits. Et tout ça infuse dans l'ensemble de la société avec un mouvement sportif qui, à la base, rejette un peu cette performance, mais plutôt cherche une certaine communion avec la nature ou les autres hommes. Oui, parce que pour comprendre la performance sportive, c'est très pertinent de regarder ceux qui ne sont pas du tout dans la réflexion de performance sportive. Isabelle Queval, il y a quand même toute une histoire, vous l'avez bien dit. Ce mot sport, c'est un mot englobant qui couvre énormément de réalités. Mais il y a toujours cette idée que l'activité physique, c'est pour le bien-être, et puis pas besoin d'aller se faire des déchirures ou d'essayer de battre le copain qui est juste à côté. Effectivement, si on veut retracer une histoire à la fois très longue, très générale, on trouve plusieurs finalités à la pratique de l'activité physique. Il y a une finalité militaire qui est très ancienne. Bon, on la trouve dans l'Antiquité et on la trouve au fond jusqu'au XXe siècle, hein, puisque les sportifs de haut niveau en France au début du XXe siècle sont encore formés à l'école de Joinville. Bon, il y a une finalité médicale qui est évidente, évidemment, qui préconise l'activité physique, mais plutôt dans la perspective d'une juste mesure, c'est-à-dire trouver un accord avec la nature et avec son propre corps qui permette l'épanouissement et la santé. Il y a une finalité pédagogique qu'on trouve aussi très ancienne depuis l'Antiquité, c'est-à-dire que déjà chez Platon, on a cette idée que voilà, il faut prodiguer aux enfants une éducation, alors on va dire physique, très, très sommaire par rapport à ce qu'elle sera par la suite. Le terme éducation physique apparaît au milieu du 19e siècle, hein, en 1852, sous la plume du médecin Balexerde. Voilà. Donc c'est pas pour rien, c'est parce que la notion d'éducation aussi, pardon, j'ai dit 1852, 1700, hein, voilà. 18e siècle. 18e siècle, pardon. C'est pas pour rien, c'est parce que l'éducation à cette époque, articulée avec cette idée de perfectibilité dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'outil de la perfectibilité, c'est-à-dire que c'est par elle qu'on va permettre aux êtres humains de se développer et de s'améliorer. Donc à la fois éducation intellectuelle et éducation physique. Bon. Et puis, la quatrième voie, c'est celle dont on a parlé depuis le début, c'est-à-dire la pratique athlétique qui vise la compétition, qu'on trouvait aussi dans l'Antiquité, qu'on trouve aujourd'hui. Donc, ces quatre finalités, elles ont leur propre cheminement au travers de l'histoire. Parfois, elles s'entrecroisent, parfois elles fusionnent, parfois elles s'opposent aussi. Au début du XXe siècle, il y a un grand théoricien français qui s'appelle Hébert, qui écrit un livre « Le sport contre l'éducation physique ». Voilà. Et on a toute une tradition de professeurs d'éducation physique et sportive scolaire tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui dans le cours du XXe siècle ont été parfois arc-boutés contre la notion de sport de compétition. voyez. Donc aujourd'hui, les choses sont encore un peu différentes. On a beaucoup de, on va dire, d'injonctions à bouger, à faire de l'exercice physique, à entretenir sa santé. Donc il y a cette, voilà, cette diffusion dans la société de l'injonction à pratiquer, tout simplement à marcher, à bouger, tout simplement à bouger, qui n'est pas réellement du sport au sens strict, voilà, le sport dont on parle depuis tout à l'heure, mais qui existe. Et il y a effectivement toute une partie de la population et du public qui pratique cette activité physique, parfois appelée sport, dans une optique de bien-être et de santé. Ce qui n'interdit pas le dépassement de soi d'ailleurs. Exactement, c'est très important de le dire, hein, parce que c'est différentes voies qui se croisent. Isabelle Queval, vous êtes, bon, vous connaissez le sport de haut niveau, vous c'était le tennis, philosophe, professeur des universités en sciences de l'éducation à l'Institut National Supérieur de Formation et de Recherche pour l'Éducation des Jeunes Handicapés et des Enseignements Adaptés. Dans cette démarche-là, c'est vrai que vous venez de le dire, et je trouve ça absolument essentiel. L'éducation physique, c'est connaître son corps, être à l'écoute de son corps. Dès lors, elle ne nécessite pas la compétition. Et on sent bien dans cette rupture qu'il y a, et vous l'avez évoqué, le sport contre l'éducation physique, toute une histoire qui s'écrit où tout n'est pas sport. L'éducation physique n'est pas obligatoirement la compétition. Alors, l'éducation physique n'est pas obligatoirement la compétition. Tout dépend, comme je l'ai dit tout à l'heure, la définition qu'on donne à sport, si on l'entend au sens strict, c'est-à-dire le sport de compétition, organisé, fédéré, pratiqué en club, etc. Il est évident qu'il y a toute une pratique physique qui n'est pas le sport. Cette tension, elle perdure dans le système scolaire. D'abord parce que ça s'appelle éducation physique et sportive, et ça n'est pas pour rien, parce que le temps même des collégiens ou des lycéens est partagé entre les cours et puis la possibilité de s'inscrire le mercredi ou le soir sur des activités qui sont on va dire concentrées autour de l'UNSS, enfin un sport scolaire beaucoup plus compétitif. Cette tension, elle perdure dans les finalités qui animent la formation des professeurs de PS, parce que elle est l'histoire du XXe siècle et elle existe aussi dans la société. Il y a beaucoup de gens qui d'emblée rejettent la compétition par principe, ou inscrivent leurs enfants dans des clubs en précisant bien qu'ils ne participeront pas à des compétitions. Voilà, donc cette tension-là, elle perdure. Et c'est important ce que vous venez de dire, c'est là qu'on saisit mais l'essentiel de ce qu'est le regard vers le passé pour comprendre. Aujourd'hui, quand votre fils, votre fille dit « j'ai éducation physique et sportive », pourquoi EPS ? Pourquoi physique et sportive ? C'est pas tout à fait la même chose. Le sport qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de la compétition, hein, celui de la performance, celui qui est un peu lié, eh bien, au mérite et au capitalisme. Attention, toutou youtou. L'entraînement, vous l'avez là, hein ? On respire bien, souple. J'espère que vous avez pris de l'endurance. Allez, tout le monde nous suit. En petite foulée avec Bernard Tapie. Véronique Davina, Gym Tonic, c'était avec Bernard Tapie en 1984. Ah, ce sont les grandes heures de gloire de l'activité physique à la télévision. Mais il y a quand même le côté, faut réussir à se dépasser. Isabelle Queval, dans cette histoire qui nous intéresse de la performance sportive, il y a la performance que nous voyons sans cesse lors des grandes manifestations, les Jeux, les championnats, etc. Et puis, au niveau de l'individu, on sent que sur l'individu, la société, peu à peu, a fait peser un poids énorme. Il faut toujours aller plus loin. C'est dur, hein ? Oui, alors il y a deux aspects. Il y a un aspect, je pense, d'abord intrinsèque, c'est que l'effort appelle le dépassement de l'effort. Voilà. Quand vous commencez, quand vous pratiquez, vous voulez continuer, vous voulez reproduire, mais vous voulez aussi améliorer ce que vous avez fait. On voit beaucoup de gens qui, par exemple, démarrent la course à pied pour des questions de santé, d'entretien de soi, qui se prennent un peu au jeu, et puis qui, sur 5 km, 10 km, 20 km, un marathon, veulent se tester, veulent faire plus, et puis ensuite passent au marathon longue distance, ou au triathlon, ou au trail. Enfin, voilà, on voit quand même cette progressivité qui est liée à ce qu'on pourrait appeler le goût de l'effort, ou en tout cas, le fait que l'effort appelle le dépassement de l'effort. Et puis, il y a le poids de la société. Alors, vous avez dit tout à l'heure, on dit GEPS. En réalité, dans le langage courant des établissements scolaires, les élèves disent G-Sport. Ouais, G-Sport. Et on parle de prof de sport. Tellement le modèle est prégnant et tellement finalement ce qu'on voit à la télévision se diffuse dans la société comme une sorte de modèle. Et si on ajoute à ce modèle le poids qui est celui aujourd'hui de l'injonction à la santé et au mouvement, on voit qu'effectivement nous sommes pris dans cette on va dire cet impératif de bouger, cet impératif d'être en bonne santé, sans oublier quand même qu'on vit dans des sociétés du contrôle et que le contrôle de soi, cette société du contrôle, elle est évidemment un aspect majeur des sociétés occidentales, et que le contrôle de soi, la maîtrise sur soi-même, sur son corps, eh bien, font partie des valeurs sociales qui sont reconnues aujourd'hui et qu'on peut mettre en scène d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Hein, on se met en photo dans la salle de fitness, en train de transpirer, et ça veut dire j'ai le contrôle. Oui, c'est ça. Puis dans une société qui pèse de tout son poids, une société de contrôle, alors il y a d'autres modèles. Je vous propose de faire un petit tour en RDA. Spartakiade, spécialité des pays de l'Est, vient du nom de Spartacus, chef de la révolte des esclaves grecs. Pour la République démocratique allemande, il s'agit tout simplement d'une réunion massive d'enfants et de jeunes gens qui vont y apprendre l'amitié sportive, les joies et les peines de la compétition. Y participent les élèves les plus méritants des écoles et les éléments les plus doués des clubs et associations sportives. En gros, et chaque année, 4 millions de jeunes. Une première sélection se fait au niveau de l'arrondissement, puis les meilleurs sont qualifiés pour les Spartakiades de région avant de participer, récompense suprême, aux Spartakiades nationales. Une certitude qui vient de l'expérience, ceux qui y sont couronnés seront un jour médaillés olympiques. Ben oui, mais c'est pas mal du tout, les Spartakiades présentées sur la première chaîne de télévision française en 1977. Julien Beaufy, c'est quoi ces Spartakiades ? Alors, les Spartakiades, c'était des grandes compétitions, donc à différents niveaux. Il y avait différents niveaux au sein de la RDA, donc on commençait par des Spartakiades locales, puis au niveau de l'arrondissement, et on montait jusqu'à des Spartakiades national. Et donc, c'était des grandes compétitions qui étaient organisées tous les deux ans et dans lesquelles tous les enfants qui pratiquaient un sport dans les différents clubs du pays se rencontraient, s'affrontaient pour déterminer les meilleurs de la ville, puis les meilleurs de l'arrondissement, etc. Et derrière, vous aviez également toute la hiérarchie sportive, donc les fonctionnaires du régime, qui regardaient ces Spartakiades pour regarder qui était le plus fort, qui était le plus grand, pour ensuite le diriger vers le sport de haut niveau et vers la filière de développement des jeunes talents qui a donné les sportifs est-allemands qu'on a connus par la suite. Eh oui, parce que ici il y a vraiment l'idée de performance. On sent que c'est au cœur de ce fonctionnement avec les Spartakiades. Il y a presque l'idée de sélection. Quoi. On veut sélectionner les meilleurs. Oui, c'est-à-dire la notion à partir des années 70, la notion de performance, la notion de compétition, elle est centrale dans la manière dont l'Allemagne de l'Est perçoit et construit son système sportif. C'est-à-dire que tout tourne autour de cette question de la performance. Et ça commence dès le plus jeune âge avec les enfants. C'est-à-dire que à partir des années 70, notamment, tous les enfants scolarisés en RDA subissaient un test plusieurs fois dans leur scolarité, où on prenait leurs mensurations, on les pesait, on regardait qui étaient les plus souples, les plus forts, qui couraient le plus vite, etc. Pour déterminer qui seraient les potentiels champions de la RDA et qui pourraient devenir un athlète de très haut niveau. La politisation protéiforme du sport en République démocratique allemande, c'est le sujet de votre thèse, Julien Beaufy, et c'est vraiment ça, c'est au cœur de notre réflexion, la performance. Mais ici, nous déplaçons complètement l'idée même de sport. Enfin, on sent que cette idée-là, en tout cas, doit se comprendre à l'échelle d'un régime entier. Oui, c'est véritablement l'ensemble du pays, l'ensemble du système sportif, que l'on fait tourner autour de cette question de la performance. Donc on a la sélection des jeunes talents. Ensuite, on a aussi tout un système de développement de ces jeunes athlètes dans des écoles spécialisées avec un cursus extrêmement strict, extrêmement intensif sur le plan de l'entraînement. Et où au fur et à mesure, les moins bons, les moins obéissants ou les blessés sont mis de côté. On va favoriser également les disciplines sportives où on va pouvoir être bon sur la scène internationale. Donc on va par exemple mettre en avant l'athlétisme, la natation, le patinage de vitesse, le patinage artistique. Alors que des disciplines où on va avoir moins de possibilités de briller à l'international, le gouvernement va le mettre de côté. Par exemple, on va dissoudre l'équipe nationale de basketball à partir de 1977, n'a plus le droit de sortir du bloc de l'Est. Pourquoi ? Parce que elle était jugée comme n'étant pas suffisamment performante internationalement. Et donc, on a coupé les subsides au basketball pour les mettre dans d'autres disciplines, athlétisme, natation, qui, elles, rapportent plus de médailles et donc permettent de faire plus briller le régime à l'international. Cette recherche de victoire, l'idée de compétition, de performance, on le voit, prend un aspect extrêmement administratif en RDA, mais Isabelle Quebal, on peut dire que c'est la même chose dans tous les pays occidentaux aussi. Au moment où la performance devient importante, il y a des institutions qui se mettent en place, des fédérations, le système avec des entraîneurs. Tout ça, c'est une construction, mais complètement sociale. Tout le monde n'est pas complètement sportif dans cette histoire-là, mais on recherche les meilleurs. Eux, ils vont porter le pays jusqu'à la victoire. Absolument. La dimension de sélection, alors naturelle ou un petit peu moins naturelle, est capitale dans le sport de haute compétition aujourd'hui. Ce que disait mon collègue à l'instant, ça se couple aussi avec une forme d'eugénisme. On a eu des témoignages de mariages organisés autant en Allemagne de l'Est qu'en Chine afin de pouvoir générer des rejetons prédisposés au sport ou de très grande taille. Hein. Je crois que c'est le cas de ce basketteur chinois qui évolue à NBA, hein, qui est vraiment le produit d'un mariage arrangé de manière à lui garantir une très haute taille. Donc cette dimension-là, bien sûr, elle est articulée sur la volonté des pays de faire valoir leur puissance et leur type de régime par l'obtention de médailles. Et on voit bien que ça perdure, puisqu'on continue à fixer des objectifs à la nation, à commencer par la France, de tant de médailles dans les compétitions. Voilà. Ce qui peut, à un moment donné, entrer en contradiction avec ce qu'on voudrait que soit le sport, on va dire, peut-être un peu plus accessible et un petit peu moins perverti ou dommageable pour la santé, pour le grand public. On voit là qu'il y a évidemment une tension entre cet objectif de médaille qui perdure et les objectifs d'un sport pour tous, d'une santé garantie par le sport. Et la politisation du sport contextualisée, notamment dans le cas de la guerre froide, ça explique complètement ce qui s'est passé en RDA. Alors là, c'est la volonté de mettre le pays en avant par ses sportifs. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans le cadre de la RDA, on a un État qui était pris en tenaille entre d'un côté le grand frère soviétique et de l'autre côté l'Allemagne de l'Ouest. Donc qui avait des difficultés à se définir en tant qu'État, à unifier sa population autour d'un idéal, qui avait aussi pendant les deux premières décennies de son existence des difficultés à être reconnu sur la scène internationale. Par exemple, la France n'a reconnu la RDA qu'en 1973. Donc on a un État qui était en déficit de notoriété et que de mieux que le sport, qui, notamment dans les années 60-70, passe désormais en direct à la télévision et dans tous les journaux, à la radio. Quoi de mieux que le sport pour passer sur un... de voir les représentants d'un régime avec le drapeau, l'hymne, passer en mondiovision toutes les semaines. Et dès lors, en RDA, tous les coups sont permis. Ah, voilà les pilules que nous prenions. C'était des pilules bleues. Nous devions en avaler tout le temps, je me souviens bien. Wohingegen, on nous faisait aussi des piqûres. C'était des anabolisants stéroïdes. J'ai eu un vrai choc quand j'ai appris que mon entraîneur était un agent de la Stasi. Je savais qu'il y avait toujours des agents secrets avec nous, mais je ne me posais pas beaucoup de questions à l'époque. J'avais 14 ans. Il a vraiment abusé de ma confiance. On connaissait la RDA partout dans le monde grâce au sport et à nos victoires. Mais tous les champions se dopaient chez nous. Le système était entièrement basé là-dessus. On était les représentants de l'État, le vrai diplomate en maillot de bain. C'est Rika Rinich qui s'exprimait ici. Alors, Rika Rinich, c'est une nageuse et elle fait partie d'un stéréotype hein, qui a été extrêmement dénoncé, les nageuses est-allemandes. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, passionnant et terrifiant de voir que mais là, il n'y a plus du tout de limite. Nous ne sommes plus du tout dans une réflexion du sport avec un corps sain et un esprit sain. Ah oui, mais cette figure de la nageuse est-allemande, c'est véritablement devenu un symbole du pays à l'international. Et même encore à l'heure actuelle. C'est-à-dire que quand je parlais avec des amis sur le fait que je travaillais sur le sport en RDA, le cliché que tout le monde me disait, c'est « Ah, les nageuses est-allemandes ». Et en effet, c'est devenu... incarne véritablement ce système. Et en effet, là, on est complètement à l'inverse du sport santé. On est aux antipodes de ça, puisque là, on a un recours massif et systématisé au dopage, et ce, dès l'adolescence. C'est-à-dire que tous les athlètes qui atteignaient un certain niveau au sein du pays et dans des disciplines dans quasiment toutes les disciplines en athlétisme, en natation, tout ce qui demandait de la force, de l'endurance était soumis à un dopage d'État pensé par le parti communiste au pouvoir et transféré aux différentes instances du pays. Et donc on estime qu'il y a à peu près entre 10 et 15 000 athlètes qui ont été dopés souvent à leur insu, et qu'entre ces 10 et 15 000 athlètes, il y en a 20% qui ont subi des dommages physiques ou psychologiques irréversibles à cause du dopage. Et là, nous sommes dans un contexte de rivalité internationale. Hein, la RDA, bien sûr, entre le grand frère soviétique et puis le monde occidental. Isabelle Queval, cette idée du dépassement de soi, du record à battre, a une influence absolument partout. Et pour la question du dopage, nous savons bien que ce n'est pas réservé à la RDA, il y en a partout. C'est parce que il y a ce sentiment peut-être d'inabouti sans cesse si l'on n'atteint pas un record. Le problème, c'est que le système mis en place de performance, mais qui va jusqu'au bout, eh bien, impose cela. Et on le sent, tout doucement, ça s'insère dans l'ensemble de la société. Voilà, alors ça s'insère dans l'ensemble de la société, c'est ce que certains ont appelé, théorisé, comme Alain Ehrenberg, le culte de la performance. Voilà. Pour lequel, d'ailleurs, le sport en particulier, là, vous citiez tout à l'heure Véronique et Davina, c'est vrai que dans les années 1980-1990, la compétition sportive était le modèle de la compétition entrepreneuriale et pour le monde du travail, etc. Bon. La différence, c'est que dans le sport de haut niveau, il n'y a pas de contre-discours possible au culte de la performance. Ce contre-discours existe aujourd'hui, même s'il est parfois peu entendu, dans le monde scolaire, dans le monde de l'entreprise. On sait quels sont les ravages du culte de la performance, notamment sur la santé mentale, etc. Dans le sport de haut niveau, qui est articulé de manière ontologique sur ce dépassement de soi, il ne peut pas y avoir de contre-discours sous peine de cesser d'être compétitif. Et donc, c'est une course en avant. C'est une course vers l'extrême. Et je parle parfois d'un corps prototype. Voilà. Le sportif de haut niveau est entraîné aujourd'hui avec des moyens scientifiques très pointus, ultimes, toujours à la limite de l'interdit, parce que la compétition de haut niveau veut cela. Si vous voulez être compétitif à très haut niveau, que ce soit entre les lignes d'un terrain, quel qu'il soit, ou face à un adversaire, vous êtes nécessairement à la limite. Et donc cette limite, elle s'expérimente aussi dans la préparation et certains la dépassent, puisque en se dopant, on franchit la limite de l'interdit ou en utilisant parfois des matériels qui sont eux-mêmes interdits. Mais c'est une course en avant et elle est problématique puisque, étant mondialisée, cette concurrence amène alors non seulement au dopage, mais à, par exemple, une précocité extrême dans certains sports où on voit, je pense à la gymnastique, au tennis, au patinage artistique, on voit des enfants de 4-5 ans intégrer des académies ou des centres de préparation dans lesquels ils sont déjà programmés pour un parcours de haut niveau, parfois déscolarisé dès le CM2 ou la 6e. Voilà. Donc c'est une course en avant. Et ce dépassement de soi, ben, jusqu'à présent, jusqu'à nouvel ordre, hein, il est le moteur du sport de haut niveau. Isabelle Queval, vous publiez Le sport, le diable au corps chez Robert Laffont. Ben, c'est ça, hein, c'est le diable au corps. Ben, il y a quelque chose de terrifiant dès qu'il est question de diable. C'est ce dépassement de soi. Mais qui est un peu ce modèle de RDA dont nous parlait Julien Beaufils? En fait, nous regardons ce modèle horrifié en RDA, les enfants les plus jeunes, les sélectionner, puis pousser le plus loin possible, quitte à donner des pilules ou être à la limite de la donner. Il y a de ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans une question de choix politique aussi. Ici, c'est la performance, la victoire avant tout pour certains. Oui, alors on est à la fois dans un choix politique parce que c'est bien aussi une affaire collective. Quand un État ou un chef d'État fixe le nombre de médailles que le pays doit obtenir aux prochains Jeux Olympiques, forcément qu'il y a voilà, il y a une aspiration vers cet objectif. Donc c'est bien une affaire politique et puis c'est une affaire aussi individuelle ou en tout cas de microstructures, c'est-à-dire organisée autour des parents, de l'entraîneur, voilà, à partir du modèle qui est celui du sport de haut niveau aujourd'hui dans un sport que je connais assez bien, qui est le tennis. On parle aujourd'hui de professionnaliser les enfants à l'âge de 12 ans et de s'aligner sur des modèles étrangers parce que le tennis actuellement, en tout cas masculin, n'est plus tellement compétitif. C'est-à-dire qu'on réfléchit à des choses de ce type-là, à savoir qu'il faudrait que des enfants de 10 ou 12 ans soient professionnalisés, ce qui suppose évidemment la déscolarisation, etc. Et voilà, avec des risques considérables pour leur santé future. Et puis des questions de gros sous aussi dans la motivation. Hein. Évidemment. Julien Beaufils. Oui, donc, en fait, le modèle de la RDA, c'est un peu le modèle sportif de la RDA, c'est un peu le miroir grossissant et déformant de beaucoup de systèmes, sportifs. C'est-à-dire que cette organisation du dopage d'État, on la retrouve de manière complètement hypertrophiée en Allemagne de l'Est, mais on a des traces de dopage d'État à l'heure actuelle. On l'a vu tout récemment en Russie avec les rapports McLaren, dans d'autres États plus démocratiques, les pratiques du dopage sont là également. Le sponsoring des sportifs de haut niveau par l'État pour qu'ils puissent se consacrer à leurs pratiques, c'était la règle en Allemagne de l'Est, mais on le retrouve également, par exemple en France, avec la douane ou l'armée qui engage des sportifs de haut niveau pour qu'ils puissent se consacrer à leur discipline. Donc c'est ce modèle de la RDA-là, on en retrouve des traces un peu dans beaucoup de systèmes sportifs. Mais dans le modèle de la RDA, et vous nous l'avez dit, il y a la limite qui est la dénonciation et la moquerie. On parlait des nageuses est-allemandes. Un moment, quand ça va trop loin, ça ne passe plus. Mmh. Et c'est peut-être aussi la limite de ça, c'est ce paradoxe sans nom en fait, hein, qui est la fascination de tous pour le record battu, et en même temps la pleine conscience que si ce record est battu, c'est peut-être que ça a été trop loin. Ce qui l'emporte souvent, c'est waouh, le record a été battu. Il y a cette dimension de fascination-répulsion. On la voit notamment à l'égard du Tour de France. C'est-à-dire que beaucoup de gens regrettent ou dénoncent le dopage des coureurs cyclistes. Et en même temps, quand des sondages sont faits auprès du public pour savoir si ce public apprécierait un Tour de France qui se court à beaucoup moins de kilomètres heure de moyenne, et ben les gens disent non, ils préfèrent un Tour de France qui se court très vite. Donc c'est très ambivalent. C'est très ambivalent, et quand il est question de Tour de France, bien sûr, nous avons ici, alors tout de suite, hein, l'idée de la performance sportive est extraordinaire. Et puis, on pense aussi au dopage. On pense rarement à l'artiste. Mais pourtant, il est là, Salvador Dali. L'unique, le seul sport qui me procure vraiment des plaisirs presque ineffables, c'est spécifiquement le cyclisme. Et concrètement, le Tour de France cycliste. Je voudrais que l'humanité entière soit montée en bicyclette, en train de monter des cols et des côtes, sauf que moi, je bave de satisfaction en train de peindre mon futur chef-d'œuvre. Alors après, le jour vraiment que fini le Tour de France cycliste, il faut bien de dire, j'ai une espèce de dépression. Enfin, il ne faut pas que je me fasse, que j'aille dans une maison de repos, mais je me sens vraiment qu'il manque quelque chose. Et une grande partie de l'enchantement paradisiaque de mon été vient de se terminer. Voilà, ben oui, un été sans le Tour de France cycliste, il manque quelque chose. Il y a les spectateurs à évoquer, parce que l'histoire du sport, c'est plusieurs histoires qui se croisent, la performance, l'athlète bien sûr, mais le sport, l'activité sportive au quotidien, et puis les spectateurs. Dites-nous, Julien Beaufils, cette réaction qu'il y a eu en Occident face aux nageuses est-allemandes, pour caricaturer, comment était-ce ressenti en RDA? Impossibilité de critiquer ce système-là, mais malgré tout, une fierté quand même. On a tout d'abord en RDA la thématique du dopage était tabou, c'est-à-dire que entre athlètes, entre entraîneurs, dans le grand public, ça faisait partie des grands domaines que on savait qu'il fallait pas évoquer. Concernant le soutien de la population envers les sportifs, c'est en parallèle du soutien de la population, enfin tout du moins de la manière dont la population supportait la vie dans le pays. C'est-à-dire que dans les années 70, il y a eu un match entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Et contre toute attente, c'est l'Allemagne de l'Est qui a gagné. Et donc là, ça a été une très grande joie en RDA, puisque on avait réussi à battre le voisin de l'Ouest qui était économiquement supérieur, etc. On l'a vu également, par exemple, dans d'autres contextes, par exemple, quand la Hongrie ou la Tchécoslovaquie a battu l'URSS juste après 56 ou 68. Et par contre, au contraire, quand les athlètes de niveau qui s'affichaient avec le régime commençaient à perdre en popularité dans les années 80. Et donc des icônes du sport est-allemand, comme par exemple Katharina Witt, la patineuse olympique, elle avait eu le droit de faire une tournée avec Holiday on Ice en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Ce qui était complètement interdit pour le citoyen lambda. Et donc, à partir de ce moment-là, quand cette image du sportif s'est complètement déconnectée du quotidien des citoyens, il y a eu de plus en plus un rejet de ce monde sportif, de ce monde de la performance, à la fin des années 80 et dans le processus de réunification des deux Allemagnes. Isabelle Queval, Le sport, le diable au corps, c'est le titre de votre livre, mais c'est ça en fait, c'est ce paradoxe, parce que le diable se niche dans les détails, mais se niche aussi dans le paradoxe, c'est qu'il y a la pure conscience des excès de la performance, mais en même temps, pour tous les spectateurs, et nous tous les premiers, il y a l'attente de ces excès. Indéniablement, il y a l'attrait. Et il y a le plaisir. Le sport de haut niveau, c'est un spectacle incroyable. Voilà, c'est un spectacle incroyable et qui provoque des passions sportives, qui court-circuitent aussi la pensée, parce qu'on est tous pris. On est pris par l'émotion, on est pris par l'identification. Dès que est en jeu notre pays, notre ville, notre club, voilà, il suscite des identifications. Et puis c'est un raccourci de beaucoup de choses. C'est un raccourci des fonctionnements démocratiques, hein, puisqu'on suppose qu'au sein du sport, l'état de droit fonctionne, puisque la règle est respectée. On suppose que l'égalité fonctionne, puisque chacun est supposé égal derrière la ligne de départ. On suppose que la méritocratie fonctionne, puisque finalement c'est le meilleur qui gagne. Et donc le sport réussit au travers de son spectacle cette espèce d'épure démocratique entre une égalité de départ et une aristocratie de l'arrivée qui est quand même assez fascinante. Voilà, et c'est cette épure aussi, cette simplicité qui est très attirante parce qu'elle suscite les passions et l'identification. Et dès lors, quand il y a une Coupe du Monde de football au Qatar où la notion de démocratie est remise en cause, eh bien, ça fait hic. Et bien souvent, le temps passe et on oublie. Mais c'est passionnant, cette lecture de la performance sportive sur un temps long. Et on comprend bien ce EPS, activité physique et sportif. C'est pas tout à fait la même chose, mais les deux vont de pair. Après, attention de pas aller trop loin. Merci vraiment à tous les deux, Julien Beaufils, Isabelle Queval. Et pour nous, la course continue, puisqu'il est temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Pourquoi les crimes de la Saint-Barthélemy sont-ils restés impunis ? Le massacre de la Saint-Barthélemy a eu lieu le 24 août 1572. Au total, le nombre de morts est estimé à 3 000 à Paris et de 5 000 à 10 000 dans toute la France, voire 30 000 d'après certaines sources. Pendant longtemps, on a accusé le roi Charles IX d'avoir prémédité et organisé le massacre sur les conseils de sa mère Catherine de Médicis. Mais cette thèse a été contestée, car aucune preuve irréfutable d'une décision politique venue d'en haut n'a été découverte. Nous avons là un bon exemple permettant de comprendre comment le renouvellement des approches scientifiques peut permettre d'éclairer des aspects d'un problème historique qui était resté dans l'ombre jusque-là. Dans le livre intitulé « Tous ceux qui tombent, visage du massacre de la Saint-Barthélemy », Jérémy Foa insiste sur un point qui peut paraître trivial et qui est pourtant essentiel. Pour que le massacre des protestants puisse se produire, il fallait d'abord identifier cette catégorie de Français en tant que protestants. Cette logique d'identification avait été mise en œuvre depuis longtemps pour les Juifs, avec des signes distinctifs comme la rouelle. Mais à une époque où un patronyme constituait une identification très imparfaite, s'il n'était pas associé à un visage, les soldats du roi auraient été bien incapables de reconnaître un protestant et de repérer son adresse. Pour que ce massacre puisse être perpétré, il a donc fallu un long travail visant à reconnaître des personnes en tant que protestants. C'est ce qui a conduit cet historien à étudier des archives permettant de mieux comprendre ce travail social de repérage, notamment les registres de notaires de Paris et de quelques grandes villes comme Lyon, Toulouse ou Bordeaux. Il a pu ainsi ausculter au plus près les relations entre catholiques et protestants en multipliant les descriptions de ce qu'il appelle les vies minuscules. Au final, on peut conclure que le massacre n'a pas été prémédité, mais préparé pendant la décennie de harcèlement qui l'a précédé entre 1562 et 1572. Harcèlement qui ont permis aux futurs assassins de repérer visuellement dans leur quartier les suspects de protestantisme et de les localiser. Pour mettre au jour cette logique infernale, il fallait donc pratiquer une analyse très fine des multiples formes d'identification des personnes, depuis l'enregistrement des identités civiles pratiquées lors des nombreux emprisonnements de protestants, jusqu'au travail de repérage opéré par des voisins ayant observé des coutumes spécifiques aux protestants, comme le fait d'acheter au marché noir du lard ou des œufs en période de carême. L'enquête montre aussi qu'à Paris, comme ailleurs, le massacre de la Saint-Barthélemy n'est pas imputable au peuple ou à l'irrationalité de la foule, mais à des notables membres des confréries où se retrouvait la fine fleur du zèle catholique. Soudés par des réseaux personnels ou familiaux, ils ont joui au lendemain du massacre d'une totale impunité. Mieux encore, ils se sont enrichis et ont gravi les échelons du pouvoir, bénéficiant, durant leur vie entière, du soutien de la monarchie. Merci beaucoup Gérard Noiriel qui sait toujours nous entraîner vers le haut. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares et Sam Bakiast, avec aujourd'hui à la technique Lucas Finet. Une émission avec cette fine équipe. Tout le monde est sportif ici. Anne Toscan-Viudès, Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Violette Ruiz, Tom Undenstock et Maïwen Gizou. Toutou you too. Merci. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.